moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier. Je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Truc de psychopathe. Truc de fée. Strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Nos passaranes. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Mais si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo. Au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Bonsoir à toutes et à tous, c'est bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur, 106.3 fréquence Paris pluriel. Ce soir, on est en compagnie de Mouloud. Enchanté, et bonsoir. Hein. D'Anaïs et de moi-même. Et on a les bobines sociales avec Claire et Christian. On a également Actop avec Frad et Clovis. Enchanté. Et on va vous passer aussi un son sur les manifs qui se sont passées par rapport à ce qui se passe au Kurdistan actuellement. Et voilà. Non. We'll be right back. soir, vous êtes toujours en direct de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis de 19h à 20h30. Et le vendredi, on est rediffusé le matin de 7h30 à 8h, 9h. Voilà. Et vous avez aussi un Facebook Au fond près du radiateur. Et paraît-il, on est très nombreux dans ce studio. Il y a un côté un peu joyeux, cacophonique. C'est très bien. Vous êtes effectivement dans une émission en direct et qu'on a fait le choix. Voilà. Et alors, le premier sujet qu'on va traiter, c'est sur le festival des bobines sociales. Alors, tu peux me rappeler déjà, Christian, c'est quoi les dates? Voilà. Alors, les dates, c'est du 4 au 11 février. Et ça commence par 6 dates, les 6 premières dates. Par dehors les murs, dans des lieux différents. Ça commence le 4 au lieu dit. D'accord. Ensuite, on enchaîne avec Archipelia le lundi 5. Ensuite, on enchaîne avec, avec le mardi 6 à... Excusez-moi. Le mardi 6, Archipelia. Ensuite, c'est Marguerite Duras. Ensuite, c'est le mercredi, c'est, je crois, à la CIMAD. Ensuite, le jeudi, c'est à... Le jeudi, c'est où déjà ? Ben, moi, je sais, le vendredi. Le vendredi, c'est au local, rue Lorillon. Donc, on rappellera ça, les dates. C'est la Bibliothèque Couronne, voilà. Le jeudi. Et puis, j'imagine que vous avez peut-être un site internet, un petit truc pour rappeler... Oui, il y a un site internet. Vas-y, rappelle. www.bobinesociales, voilà. D'accord, ok. Voilà. Alors, puisque c'est le festival des bobines sociales, la première question, c'est quoi ce festival? D'où il vient? Est-ce que tu, Christian, tu peux nous dire un petit topo, ouais, pour que ça intéresse aussi les gens, parce qu'un festival a une histoire et voilà. Alors, le festival, il a aujourd'hui, c'est sa 15e année. Et il existe donc à l'initiative, ça a commencé en 2002, en fait, par des jeunes du Parti communiste. D'accord. C'était après le deuxième tour de ces fameuses élections. Bref, ouais, c'était un choc. Et donc, pour ouvrir un espace de diffusion de certains films qui parlent de sujets comme le racisme et autres, voilà, c'est né à l'initiative des jeunes du Parti communiste. Mais depuis, ça a bien changé. Et les équipes varient en fonction des années, etc. D'accord. Vous êtes tous des bénévoles? On est tous bénévoles. D'accord. Ouais. Et que dire? On est tous décisionnaires dans les choix des films. Mais enfin, bon, la formule a changé, hein, en fonction des éditions aussi. Parfois, certaines années, des équipes ont souhaité que chacun porte des films, mais qu'ils ne fassent pas l'unanimité. D'accord. C'est des films qui ont quand même le sujet, évidemment, politique. C'est des films engagés. C'est des films engagés. Engagés. Sociaux. D'accord. Qui portent un regard particulier et surtout qui sont assez peu diffusés et assez peu visibles ailleurs. D'accord. D'où l'idée de faire ce festival. Voilà. Ouais. D'accord. C'est contrecarré, en fin de compte, toute série de médias. Exactement, tous les médias mainstream et j'en passe. C'est un espace particulier. C'est un espace... Tous les hors les murs sont gratuits. D'accord. Et les deux jours qu'on passe à la Bellevilloise, c'est vraiment très, très peu cher. On y fait nous-mêmes la bouffe. On sert de la très bonne bouffe bio. Bon, ça, c'est un détail, mais c'est vraiment pas cher. T'as quelque chose, voilà, Claire, à rajouter? Sur les bobines sociales, oui, c'est-à-dire on a des gens autour de nous aussi qui nous proposent des films. Et donc, Mouloud nous a suggéré un film qui s'intitule Portrait d'une présidente. De Brigitte Tijoux. Ouais. Et d'ailleurs, que nous programmons. Christian va nous dire quand est-ce qu'on programme. Et voilà, Mouloud, si tu peux nous dire un mot de Portrait d'une présidente, que moi j'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors, le fait de connaître Claire, notamment, fait que, évidemment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer tel ou tel film. Donc, c'est un film documentaire qui retrace à la fois au moment de la mort d'un des présidents fondateurs d'Act Up Paris, qui s'appelle Clouse Vellet. Et son autoportrait, comment il est arrivé au militantisme, donner un cadre historique de ce qu'était l'époque des années 80-90, où effectivement il n'y avait pas de traitement. C'était quoi aussi l'idée du cancer gay? C'était quoi aussi s'auto-organiser? C'est un peu quelque chose d'un peu plus intéressant, si je peux me permettre une critique de 120 battements par minute, qui est quelque chose qui est large. Là, il y a quelque chose qui est effectivement le film documentaire sur une personne, et il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle du vivant, du réel, une histoire, un parcours d'une personne, autour d'une personne. Eh bien, on tire les traits de la société. Ce que c'était. De l'homophobie aussi. Voilà, aussi. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir vous dire, tiens, peut-être que ça peut vous intéresser, et voilà. Oui, et c'est un film qui donne une envie de se battre. Hein. Parce que quand on les voit inventer des actions assez extraordinaires, je veux dire, entre sur la place de la Concorde, là, sur l'obélisque. Oui, l'obélisque, le préservatif. Oui, et puis d'autres actions qui ont été faites lors de congrès avec les médecins, avec le ministre de la Absolument. Santé à l'époque. J'ai trouvé extrêmement courageux et c'est drôle. Voilà. Alors, en même temps, c'est tragique et en même temps, c'est drôle. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas un film patachon et il faut pleurer, etc. Il donne une indication de, militer, c'est quoi? C'est aussi se prendre en main, de dire qu'il y a de la solidarité qui est importante, c'est du collectif. Et c'est aussi le VIH devient un révélateur de la société et de ses dysfonctionnements. Et je trouve que c'est aussi ça qu'on essaye d'expliquer au travers, effectivement, de cette personne. Et tout ce que ça a bousculé aussi comme visuel dans l'extrême gauche, notamment autour de ces affiches, de ces mots d'ordre, information égale pouvoir, sida égale mort, etc. etc. Tout ça est mis en avant. Je trouve que ça, non seulement ça complète bien le film 120 battements par minute, mais au contraire, permet mieux de s'inscrire de ce qu'était cette période, et ça donne évidemment envie de s'engager, et c'est le but un peu de ce qu'on essaye de faire, nous, chacun, là où on est, et y compris dans cette émission de radio. L'engagement est quelque chose d'importance, et on essaye de donner un maximum de temps et de parole, et je trouve que c'est bien que les bobines sociales, en fin de compte, on puisse dire, tiens, il y a des choses à trouver, et il y a plein de choses à chercher, notamment si vous poser la question du militantisme minoritaire, parce qu'on peut le placer de manière largement, voilà. Je précise, ça se déroulera à la Bellevilloise, et c'est dans le cadre d'une séance qui s'appelle Fureur de vivre. C'est une espèce de format portrait, et il y aura aussi celui de Griller les Disréales. Voilà. Oui, absolument, c'est important. Et tu as dit l'heure? L'heure, c'est à 15h30 à la Bellevilloise, le dimanche. Non, ça, c'est le dimanche 11 février. D'accord. Voilà. Et alors, les autres films? Parce que quel a été l'axe de vos réflexions pour présenter les films? Alors, ça, c'est un souci chaque année. Tout le monde nous pose la question, mais c'est quoi la thématique des bobines sociales cette année? Mais en fait, on ne fait pas de thématique a priori. Le festival a 15 ans d'existence, donc maintenant on n'a plus besoin de solliciter les réalisateurs, on reçoit les films, et c'est à partir du matériel que l'on reçoit que l'on va décider d'une thématique générale. C'est rarement possible parce que c'est très divers. Donc on va fragmenter le festival en différentes séances, en différentes thématiques. Voilà. Et juste, ça se passe comment pour les films? C'est des gens qui les présentent spontanément ou vous? Alors on les reçoit maintenant, on en reçoit pas mal. Et on en recherche également. Chacun de nous est porteur d'une inquiétude, de quelque chose, et on va aller chercher les sujets, on va aller chercher les films nous-mêmes. Oui, puis il y a des films qu'on porte en nous, qu'on a vus il y a des années. Par exemple, il y a 15 ans, j'ai vu un film de Lorelana Bianconi qui s'intitule Do You Remember Revolution? Et c'est un film qui est passé au cinéma du réel et qui est passé inaperçu. Et je l'ai retrouvé, et elle nous a envoyé le film. Et c'est un film sur les années 70 en Italie. Ces quatre femmes qui ont fait 20 ans de prison, Adriana, Barbara, Nadia et Susanna, elles décident de rentrer dans la lutte armée, de quitter leur vie sociale, leur famille, et elles font de la révolution le centre de leur existence. Voilà ce que dit Lorelana. J'ai rencontré des femmes qui ont été membres des Brigades Rouges ou de Prima Linea, des groupes qui sont entrés dans la lutte armée dans les années 70. On dit toujours que c'est leur violence qui a provoqué la réaction violente de l'État. Non. Elle l'indique dans le film, ce ne sont pas elles qui ont commencé. Les forces répressives ont commencé à tirer sur les foules de manifestants en 77 à Bologne. Lors d'une manifestation pacifique, les carabiniers ont tiré dans le dos de Francesco Lo Russo, un étudiant d'une vingtaine d'années, je l'ai vu tomber. Voilà, et elle a voulu faire ce film. Elle voulait demander à ces femmes qui étaient parties comme elle du même projet de communiste un peu utopique, d'un changement radical de l'état des choses dans lesquelles on vivait, qu'est-ce qui a fait qu'elles avaient finalement choisi de faire la lutte armée. Une des questions était, qu'est-ce qui vous a donné le droit de mettre en jeu votre vie et de tuer celle des autres ? Pour moi et pas mal de gens de ce mouvement social, je pense qu'on a quelque part délégué la violence à ces groupes armés en raison de notre incapacité d'agir face à la violence étatique, au meurtre d'État. Voilà, je passe. Mais ce sont selon moi des femmes qui ont pris des armes et se sont lancées dans la lutte armée parce qu'elles croyaient que par ce moyen, elles seraient à l'avant-garde d'une insurrection et d'une révolution. Une autre de mes questions était, quand on choisit une lutte armée, comment on définit l'ennemi ? Comment on en arrive à se sentir en droit de le tuer, car on pense qu'on est en guerre ? Et comment on le tue ? Et comment on finit par tuer l'ennemi à l'intérieur du groupe, donc aussi les amis d'hier ? Par exemple, les repentis qui ont balancé leur compagnon en échange de réduction de peine. Il s'agit de tuer celui qui a été ton compagnon de lutte jusque-là. Alors, je vais m'arrêter là. Je dirais que « Do you remember Révolution ?» permet à la lutte armée de se regarder en personne, femme, mémoire et conscience. C'est un film absolument superbe, sur une parole de quatre femmes qui viennent d'organisations différentes. Donc il y avait les Brigades Rouges, il y avait Prima Linea, et qui traversent leur engagement, leur inquiétude, leur regret aussi, ou rétrospectivement leur erreur. En tant que sujet aussi, ou en tant que femme, en tant que mère. Oui, et puis elles sont très différentes parce que Barbara n'est jamais revenue sur ses engagements. Non. C'est alors celle qui a fait le plus d'années de prison. Je crois qu'elle en a fait pas loin de 30, 27. 26. Mmh. Elle n'a jamais voulu. Et d'ailleurs, elle a un superbe film. Barbara, tu te souviens de son nom de famille ? Balzerani. Balzerani. Barbara, qui a sorti un livre récemment qui s'appelle Camarade Lune, qu'elle a écrit quand elle a commencé à pouvoir sortir de prison. Et elle est passée dans plusieurs librairies là, à Paris, et j'ai eu la chance de la connaître. Et en fait, 15 ans avant, elle était dans ce film et toujours en prison, alors que les autres étaient sortis. Donc ce film, Do You Remember Revolution, passe à la Bellevilloise dimanche à 13h. Donc en fin de compte, ce film, pour dire largement, c'est l'Italie des années 69. Des années 70. Voilà, ce qu'on a appelé à plus tard les années plomb, etc., etc. Je trouve que ça très intéressant de montrer qu'à l'époque, c'était possible aussi de s'organiser autrement. Et que, puisqu'on est dans l'ère Macron, on a l'impression qu'on est complètement cassé, où rien n'est possible, de se dire, il y a quelque chose du possible, il y a une histoire, et comment on peut imaginer ce présent en ayant une idée de ce qui se passait auparavant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Et aussi, Mouloud, c'est comment, et elles ont ce courage-là, comment on peut, après avoir payé autant, avoir le courage aussi de se dire, on s'est peut-être trompé de chemin, où il y a peut-être certains sentiers qu'on aurait peut-être dû éviter, ou voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement courageux, parce que ça nous permet aussi de pas se foutre dans des cul-de-sac. D'accord. Du coup, en fait, c'était une autre époque, un autre contexte, c'était la fin des luttes de libération coloniale dans pas mal de continents. Ouais. C'était aussi l'espoir, le rêve pour certains de se dire une société idéale, elle va arriver maintenant, parce que la révolution, elle est là, elle est maintenant. C'était aussi l'idéalisation de l'Union soviétique comme une société utopique pour certains, comme la réalité s'est montrée un petit peu plus amère après. Je vous propose de entier sur un autre film qui sera présenté dans le cadre du festival, avec Mouloud ou avec Christian, peu importe. Christian, du coup, tu nous présentes un autre film. Je suis désolé d'être speed, okay, mais comme on a un temps... C'est vrai, le temps passe. Je suis obligé de surveiller. Alors moi, j'ai porté un film qui s'appelle Bragino, qui est sorti en salle, qui est toujours en salle d'ailleurs, qui raconte l'histoire d'un vieux russe, puisqu'au moment où il est filmé là aujourd'hui, il est assez âgé, enfin il a une soixantaine d'années, et il a quitté Moscou, où il faisait partie d'une communauté orthodoxe un peu rigide. Et il a rompu avec sa communauté, il a rompu avec sa famille, il a rompu avec sa communauté d'origine, et il est parti au fin fond de la taïga pour essayer de recréer un monde, une communauté virginale, on va dire, en ayant comme réflexion son rapport à l'environnement, prélever sur la nature ce qui est juste nécessaire, etc. Bref, il a réussi à construire un petit paradis pendant qu'il y a perduré pendant quelques années, jusqu'à ce que un voisin vienne s'installer de l'autre côté de la rive. Et c'est dès l'instant où le voisin, l'autre humain, est là, que les problèmes surviennent. Voilà. Et le petit paradis, au moment où Clément Cogitore fait son film, on sent que c'est peut-être la fin. Les relations sont extrêmement tendues. Chaque famille de chaque côté de la rive a de nombreux enfants. Chaque famille prélève son lot de nourriture sur la nature, mais ils sont totalement libres. Et c'est impressionnant. Ils sont à 700 km de toute vie humaine. En pleine Sibérie. Voilà. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'avec le réchauffement climatique, dans la taïga, le sol est chargé de méthane et le réchauffement fait qu'il y a des incendies spontanés un peu partout. Donc ils sont acculés là et lui, il est en train de faire un choix. Enfin, il va être obligé de faire un choix parce que ses voisins, en fait, ils n'ont pas du tout la même optique que lui. Ils ont, comme le prévoit la loi russe, comme ils sont au fin fond de nulle part dans la taïga, ils défrichent. En défrichant, ils deviennent propriétaires. On a le même problème au Brésil, par exemple. Voilà. Et ce qui les intéresse, eux, c'est l'avoir, c'est l'enrichissement. Et en plus, ils font venir par hélicoptère des braconniers qui viennent de Moscou ou d'ailleurs pour décimer les gibiers et autres. Voilà. Voilà. Et on va suivre cette famille-là dans ce paysage-là, voilà, qui est un peu inquiétant. Plusieurs dimensions, en fait. Ouais, il y a plein, il y a plusieurs dimensions, il y en a plein. La dimension d'isolement et d'essayer de recréer quelque chose en paix. Voilà. Ça, mais tu as aussi le phénomène qui arrive, en fait, de socio-comportement. Exactement. Comportementabilité avec l'autre qui n'est pas toi et qui n'a pas la même. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est très sensible. Du coup, il passe à quelle heure et à quel jour ? Pardon, je vais te le dire tout de suite. Ça passe à la permanence de la CIMAD. C'est le 25 rue Fessard et c'est le mercredi 7 février. Et il y aura donc celui-ci, Braguino, et il y aura aussi Double Journée et La Maillard, une anthropologue qui quitte l'Europe en 1939 et pour fuir la guerre et qui va traverser l'Afghanistan et se retrouver en Inde et qui nous rapporte des images et un regard un peu désabusé d'Européenne sur l'Europe, tout en voyageant à travers des paysages extraordinaires de l'Afghanistan et d'Inde. Deux femmes homosexuelles, voilà. Et, comment dire, t'as pas rien, Claire Et le dernier film, alors? Alors, le dernier film, je t'ai coupé. C'est le micro, hein. Vous oubliez pas, vous êtes Est-ce que je t'ai coupé ou tu as fini? Non, le dernier film. Alors, le dernier film, c'est de Hassan Zbib. Alors, j'ai rencontré Hassan chez Mustapha Retouche. Il faisait retoucher un pantalon, moi aussi. Et je dois vous dire que j'ai découvert... J'adore retoucher le pantalon. Ah, j'adore. Et j'ai découvert un court-métrage de 18 minutes qui date de 89, qui s'appelle « Comment t'expliquer, mère ?». Et c'est sur la folie de la guerre au Liban. Sauf qu'au lieu d'objectiver la folie du dehors, c'est-à-dire en regardant ce qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques ou la destruction sur l'être, on devient dingue avec un fils qui s'adresse à sa mère. Donc en fait, la mère est dans les décombres de Beyrouth. C'est la propre mère d'Hassan, dans un Beyrouth complètement détruit. Et il s'adresse à sa mère et il lui explique qu'il n'est pas devenu avocat, qu'il n'est pas devenu médecin, mais qu'il est devenu un mec super, il est devenu un sniper. Et il raconte avec force détail comment il tue et comment... Mais en fait, ce qui est formidable dans ce court-métrage, c'est qu'on est avec le sniper. On devient le sniper. Donc on est, nous, dans la folie de la guerre. On ne la regarde pas du dehors. Ouais, il nous fait entrer dans la folie. Ouais. C'est extraordinaire, ce court-métrage. Alors, il y a deux films qui passent au local, le vendredi 9 février, rue Lorillon. Le local, c'est un théâtre, c'est un lieu de création artistique et d'éducation populaire qui est tenu par Gabriel Debré. La réservation est obligatoire. Il faut appeler le local pour réserver parce qu'il y aura beaucoup de monde. La jauge est de 60 places. Ouais. Oui, il n'y a que 60 places. Et il y a deux films. Donc, il y a ce petit court-métrage et il y a Créatif Chaos. Ça se passe en 2006. C'est la guerre qui a opposé l'armée israélienne aux troupes du Hezbollah. C'est un village, là où il y a sa mère, toujours, sa famille. Le village est détruit, sauf la maison de sa mère. Elle a décidé de rester dedans et c'est la seule qui reste debout. Et en fait, c'est une histoire entre la grande histoire et la petite histoire, à travers le village, à travers ce qui est détruit. Voilà. Voilà, c'est deux films qui sont... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez un dernier mot ? Parce qu'on va devoir s'arrêter là, malheureusement, et on a vraiment envie dernier mot, Christian. De venir... Bon, le festival clôture avec un film musical, c'est assez rare pour être signalé, voilà, qui s'appelle Bunch of Coons, et c'est sur les Sleaford Mods, un groupe punk, post-punk de Nottingham, en Angleterre. Trois quinquagénaires en folie. Voilà. Et j'imagine que toutes les infos sur le festival, sur ce qui se passe et tout ça, on peut les trouver à la fois sur votre site. Sur le site web. Il y a une page vous êtes sur des liens sociaux, ouais, Facebook. Ouais, okay. Ouais. On tape juste bobine sociale et on vous trouve. Voilà. Super. On viendra vers vous vers la fin de l'émission, j'imagine. Là, on va faire une petite courte pause musicale que va nous lancer Robinson et, au niveau de la technique. C'est Kilem qui va nous faire un petit point de rap. Voilà. C'est un petit artiste, un jeune artiste. Et voilà, vous êtes en direct de FPP. Et juste après, on va retrouver Anaïs qui va nous parler un petit peu du procès de Georges qui a eu lieu le 19 janvier. C'était pendant la COP21 où on le soupçonnait d'avoir posé une bombe. J'ai la chope pleine, le ventre plein, hein. J'ai ce qui vaut la peine, ouais. Je suis un bohémien. Les mains salées, les frites salées, j'ai la dalle quand bien même je suis calé. Hey. J'arpente le bitume dans les pentes, j'ai l'habitude de l'habitude. En effet, je me cache en aptitude car je suis wanted, je titube dans le fond d'un troquet, bien troquer ma vertu contre un truc qui me revêtira. Cette réalité de merde, j'inhibe un peu mon air, mais je le nie que c'est la mienne. Mon imagination est finie, je n'irai nulle part dans vos chaînes. J'ai des choses à niquer, je veux qu'on me dise, ça soit nickel. Cherche l'opportunité pour me faire la belle. Et je commémore mon passé sur ma commune. Dans ma tête, ils sont dit ça, parler de moi comme des commères. J'ai commis des conneries, loin du commissaire. Je suis plus un commis dans sa mère, je l'ai commis, frère. Et j'ai la chope pleine, le ventre plein. J'ai ce qui vaut la peine, je suis un bohémien. Les mains salées, les frites salées, j'ai la dalle quand bien même, je suis collé. Accro, boulevard de la soie, parce que la tête au fait pas. Pas cette pute des côtés, cet avantage en nature à taxer. Un taxi pour flexer en excès, parce que ça m'en soit vexé, vexé un peu de rhum. Et cet extra, un joli cuit, saupoudre un joli cri. Du beat quand elle ouvre un petit bijou, cette fille c'est vrai, je l'ai dit. Dès que t'es devenu louvre, les poutres se décoffrent, je m'en fous, je m'offre une louche qui me décroche de vous. Tu te décoiffes, tu te détaches, les joues, hey. J'ai la chope pleine, le ventre plein, hein. J'ai ce qui vaut la peine, hein. Je suis un bohémien. Les mains salées, les frites salées, j'ai la dalle quand bien même, je suis décalé. On était pépères et pose quoi quand tu m'as dit viens, on pète un squat. Perdu dans les remparts, sans mes remparts, dans une partie du paradis artificiel. Un pareil qui ferme les nerfs. Avec une radio pirate, on va la faire fermer la FM. On a défendu cette ZA d'une SMN. Ces millionnaires voulaient récupérer son cul comme si c'était le cul de sa femelle. Ces millionnaires voulaient récupérer une voix qu'on avait laissé dans l'assiette. Assieds-toi, assieds-toi, on va te signer une bûche de Noël. Si t'es chez toi, on prend chaque coup de guitare comme un acte Nobel. Tous les rois sont les mêmes, les rois se promènent. S'en mêlent avec tout sans miel, mais sans traîne. J'ai la chope pleine, le ventre plein. J'ai ce qu'il faut la peine, j'suis un bohémien. Les mains salées, les frites salées. J'ai la dalle quand bien même j'suis le calé. J'ai la chope pleine, le ventre plein. J'ai ce qu'il faut la peine, j'suis un bohémien. Les mains salées, les frites salées, j'ai la dalle quand bien même j'suis collé. J'arpente le bitume dans les pentes, j'ai l'habitude. me habitue. En effet, je me cache en aptitude car je suis en tête. Je titube dans le fond d'un troquet, viens croquer ta vertu contre un sommet qui me dévêtira le mal. Réalité de merde, j'inhibe un peu mon air, mais j'ai le nid que c'est la mienne. Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3, toujours en compagnie de Christian et Claire des Bobines Sociales, de Frad et Clovis de Act Up, Anaïs qui va nous parler d'un sujet qui était sur la COP21 par rapport à Georges qu'on a accusé d'avoir posé une bombe alors qu'elle était fausse. Son procès vient d'avoir lieu. On est toujours avec Mouloud, Robinson à la technique, ainsi que Kilem, si je ne me trompe pas, qui nous a fait ce son-là tout à l'heure. Et on le remercie, voilà. Et on le remercie bien fort. Du coup, je te laisse la parole, Anaïs, tu nous présentes l'histoire. Je te remercie, Mostafa. Bonsoir à tous les auditeurs d'FPP. Donc, j'ai assisté le 19 janvier au procès politique de Georges Louis, militant syndical CGT depuis 20 ans, militant contre la précarité, militant au Secours Rouge Arabe, militant pour les droits des Palestiniens. Le 17 janvier à 4h30 du matin, 10 policiers antiterroristes, 4 policiers civils défoncent la porte de chez Georges, armés de fusils, cagoulés. Ils retournent l'appart pendant 3h30, le séparent de sa compagne, le menottent. À ce moment, Georges ne connaît pas encore les charges retenues contre lui. Georges passera plus de 48 heures en garde à vue et passera le 19 janvier en comparution immédiate en chambre correctionnelle du tribunal de Bobigny, assisté de son avocat, maître Jean-Louis Chalancet, avocat régulièrement qui plaide des affaires politiques. Le 19 janvier, donc on assiste au procès, comparution immédiate, donc on arrive à 13h, on ne sait pas à quelle heure va être l'audience. À 18h, Georges passe. On sait depuis la veille qu'il est soupçonné d'avoir posé une bombe artisanale, voire une fausse bombe. France Inter, le matin, parle de terrorisme. Le Parisien parle d'une bonbonne de gaz avec des clous, donc un truc bien violent, bien flippant. Ils ont retrouvé l'ADN de Georges dessus, en fait, parce que Georges a beaucoup manifesté pour les lois contre les lois Macron les derniers mois. Et donc, à ce moment-là, ils avaient pris son ADN. Donc, on ne se soucie pas vraiment des médias. On sait comment sont les médias. On va soutenir Georges au tribunal de Bobigny. Donc, à 18h... Après des affaires de drogue, d'armes, Georges entre dans le box, menotté. On apprend finalement que c'était une petite bonbonne de gaz type réchaud, vide, avec un téléphone sans puce, donc relié à rien, avec des fils électriques scotchés autour de la bonbonne. Donc un truc vraiment insensé, en fait. Caricatural. Voilà, caricatural. Georges dit que c'était pour attirer l'attention sur les conséquences de l'état d'urgence. Parce qu'au moment de la COP21, les militants écologistes et autres, on les interdisait de manifester, alors qu'il n'y avait pas de raison vraiment de les interdire. C'était juste pour faire régner l'ordre à cette époque-là. Pour restituer l'ambiance de l'époque, en fait, c'est le début des états d'urgence et pas de l'état d'urgence qui a eu lieu. Et cette frénésie appétit policière qui a eu subitement, en fait, en faisant des tas de perquises avec... le fichier S et toute la clique, ces perquises administratives qui sont montées à plus de 15 000, si je me rappelle bien, peut-être à l'époque, en même pas un mois et demi. Oui, c'est énorme. On s'est servi justement de cet état d'urgence pour faire des assignations à résidence, des perquisitions. On apprend donc c'est une petite bonbonne réchaud, donc rien de grave. La procureure se lève, dit que le chien des policiers s'était arrêté devant, alors que c'était pas des explosifs. Comme a dit l'avocat, les chiens des policiers, ils sont dressés pour pour détecter des explosifs, pas des produits inflammables. Donc, la procureure requiert 18 mois ferme, rappelle le contexte de la COP21 en disant « Vous avez posé cette bombe, fausse bombe, sur le quai du RER, le Bourget. Il y avait 40 000 personnes qui passaient à ce moment-là. Ça aurait pu créer des émeutes. » Ensuite, Georges s'explique, il dit qu'il voulait exprimer son mécontentement. L'avocat prend la parole et dit, s'exprime face au juge et leur dit « Ce matin, l'ONU a condamné la France pour les événements de la COP21, pour tous les militants qui avaient été arrêtés pendant la COP21. Donc il leur fait un procès bien politique, il met bien l'accent sur le côté politique de l'affaire, et il leur dit que la seule violence légitime qui est autorisée en France aujourd'hui, c'est la violence de l'État. Et quand la violence ne vient pas de l'État, la violence est illégitime. Les juges délibèrent, une demi-heure environ, reviennent et nous donnent le délibéré. Alors nous, on s'attendait tous à du ferme, on était mais tendus. Et là, la présidente annonce une semaine de stage de citoyenneté pour Georges. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. J'ai lu plus tard que c'est 6 mois. Moi, j'ai entendu une semaine, donc j'ai pas réussi à joindre Georges aujourd'hui. Moi, j'ai lu après plus tard que c'est 6 mois, donc je suis pas encore tout à fait sûre. Mais c'est un stage. Là, jusqu'à maintenant, la procureure n'a pas fait appel. Deuxièmement, relax pour l'effet des bouteilles qu'ils ont trouvées chez lui, qui seraient des bouteilles destinées à être des cocktails Molotov. Relax pour une deuxième charge qui était contre lui. Donc je peux vous dire que c'était mais une adrénaline. Enfin, le mot relax, c'était trop bon à entendre. Que tout le reste des charges a dû paraître très absurde au juge, en fait, vu que la bombe... Totalement. Telle qu'elle, telle qu'elle a été trouvée, ne pouvait pas être une bombe. Mais totalement. Et en plus, il fallait qualifier juridiquement ça. Comment tu qualifies juridiquement ça? C'est compliqué. Il y avait peut-être un produit inflammable, mais il faut une qualification juridique. Enfin, je veux dire, c'est pas. On voit que là, c'est pas du terrorisme. Déjà, si ça avait été du terrorisme, ça se serait pas passé dans une chambre correctionnelle, devant des juges, comparution immédiate. Ça aurait été beaucoup plus complexe. C'était surtout pour lui faire peur, pour lui mettre un coup de pression. Nous, on s'attendait à du ferme parce que Georges, il avait du sursis déjà. Parce qu'il a manifesté contre les lois Macron, et c'est à ce moment-là qu'on avait pris son ADN. On ne s'attendait pas à ce qu'il se trouve avec un stage de citoyenneté. D'ailleurs, même son avocat a dit « Je ne sais pas ce que c'est un stage de citoyenneté, j'ai encore jamais vu ça de toute ma carrière. » Donc Georges est libre, nous on était soulagés, et plein d'espoir pour tous les vrais militants comme Georges, qui malgré le sursis dont il avait été condamné, continuait d'aller manifester pour les droits des travailleurs, pour les droits des précaires, parce que c'est ça le vrai militantisme, et leur place, elle n'est pas à l'intérieur, dans une prison, leur place, elle est dehors. Et vive la liberté. Merci à toi, Anaïs. Merci. On va reprendre une petite pause musicale que Romasson va nous lancer dans quelques instants. Je rappelle juste qu'on a Act Up en dernière partie. On va revenir sur l'actu d'Act Up et sur sa petite histoire. Et juste avant eux, on aura un petit son sur les manifs kurdes qu'il y a eu en Europe, et notamment là, sur celle de Paris, à République. Robinson, TOP ? Je commence à comprendre, je me frappe, je me casse la voix pour me faire vibrer, je vois pour savoir où marcher, esquiver les trois rats. Finir les soins à l'arrache, ainsi que la paye sur un bulletin que je comprends pas. S'il faut, je me casse, je finirai ma day comme un loup sans rien fou, sans fois répéter, sans cesse, sans fois les mêmes choses sans loi. J'en ai marre, je me barre, je quitte mes draps, qui voient que mes larmes quand je dessoule comme une pédale, sans fin, une pédale dans le noir sans phare. Je pille à l'être, la balle et ma samba dans le time, je suis en retard dans mes ambitions. Rempart de mes victoires, resserre-moi un verre ou un bidon. Quand je bois, je deviens plus sympa ou plus bidon. Qu'un gagne mais ni le montant, qui veut monter mais qui descend, qui comprend pas pourquoi le point blanc est toujours aussi loin, c'est chiant pour lui, il a pas tout compris aussi mal, alors juste la théorie. J'suis plein d'elle, ça vous fait du bien, voilà l'amour me sauvera les reins. J'suis plein d'elle, ça vous fait du bien, voilà l'amour me sauvera les reins. J'suis plein d'elle, ça vous fait du bien. Tu connais déjà mon 5 Lara, je vais leur rentrer le bras si jamais je m'énerve. Mon son il se coule, mais il m'énerve de bout à bout. La poudre et la pêche, plus beaucoup, j'ai bientôt explosé dans mes rêves. L'histoire qu'est le rap game, faire profiter qui j'aime. C'est pas que rap à l'ancienne, un truc plus cochon, tout comme la laine, tout comme ton corps. Je suis à bout de plaine, un garrot de la lune qui se réveille. Parfois juste un homme, je baisse des packs d'esquels. Les liens inverses, c'est ma jeunesse, mon jeune être. Je gagne sur le bitume, mon ivresse, mes smoke, je traîne sur le cul, une autre tourne, une autre plaine. Je suis plein d'aile, ça me fait du bien, ouais. L'amour me sauvera les reins, grâce aux deux joies, valère à cette fin. Satisfaite à mon goût de marcher droit comme vous dans mon destin. Je veux le tout, mais le tout ce que je veux frangin. Je veux le goût, mais c'est fou, la tricot. la belle, ça me fait du bien. Voilà l'amour me sauve, allez, je suis plus la belle, ça me fait du bien. Voilà l'amour me sauve, allez, je suis plus la belle. Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Je suis désolé en fait, je viens de reprendre le cours parce que j'étais un petit peu... Voilà, c'est le direct, voilà, Moustapha, voilà. On m'a déconcentré en vérité. Mais j'adore, c'est ça le direct. En voulant me soudoyer avec un pass pour les bobines sociales, que voilà, j'accepterai avec plaisir. Nous on est prêts à voir le pass, comme ça on vous fera des critiques mais et tout. Mais je l'accepterai avec plaisir. Voilà. Et je connaissais les bobines sociales d'avant déjà en fait. Et là, on va écouter un son qu'a pris Raphaël samedi à la manif kurde à République. Comme vous savez, il y a eu des bombardements turcs qui ont rempli sur le Rojava, donc le nord de la Syrie actuelle, dans le but en fait de d'essayer de cisailler un petit peu cet élan kurde qu'il y a depuis quelques années. Et Robinson nous le lance tout de suite et après on reviendra sur le sujet kurde. Bonjour, donc on est à Paris. Là on est à Paris, à Vincennes. Aujourd'hui, pour tous les peuples kurdes sont tous rassemblés dans le monde entier. Donc, il y en Europe, une manifestation. En Europe, en Allemagne, en France, en Turquie, partout. Ils sont tous debout les civils kurdes. Alors aujourd'hui, ça fait plus de quelques semaines en Turquie. Il y a la Turquie qui... Comment expliquer? Aujourd'hui à Afrin, on est tous là pour Afrin, en Syrie. Parce que ça fait depuis des semaines, les civils se font bombarder et on demande de l'aide à tous les peuples internationaux pour nous aider à trouver une solution, mais il n'y a personne. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout seul en Syrie. Aujourd'hui, la Turquie, donc le président Erdogan, il donne un coup de main à Daesh et puis à tous les autres partis politiques qui sont contre la liberté là-bas. Les peuples kurdes là-bas se font tuer tous les jours, ils se font tous bombarder. Donc les civils ils sont tous dehors aujourd'hui pour protester contre tout ça, quoi. Et on est là, on demande à tous les États en Europe, la Russie, à l'Amérique de trouver ou de stopper les bombardements parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont morts. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, tous dans les rues, on est là en famille et dans le monde entier on est debout, on proteste contre ça, quoi. Parce qu'Erdogan c'est Daesh. Et Daesh, c'est Erdogan. C'est le président turc. C'est le président turc. C'est lui qui aide, qui organise, qui aide, qui arme tout ce qui est Daesh. Donc, il n'y a aucune différence entre Erdogan et Daesh. D'accord. Aujourd'hui, pour nous. D'accord. Donc, cela, ça a été vu, prouvé par la télé. Mais il n'y a personne qui veut y croire, quoi. Même en le voyant de ses propres yeux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous derrière leur bénéfice, c'est-à-dire la politique. Tout ce qui est pétrole, tout ça, ils sont tous derrière ça. Ils veulent pas voir la vérité en face, quoi. D'accord. C'est-à-dire que la région qu'on appelle Rojava, donc les cantons kurdes autonomes qui sont à la frontière entre la Syrie et la Turquie, voilà. Et aujourd'hui ils sont pris entre un peu le jeu de toutes les puissances internationales ils sont et les puissances locales. Bien sûr. Et du coup, tout le monde était derrière eux quand il y avait la bataille de Kobané, quand la Kobané, il a failli, voilà, stopper Daesh. Et aujourd'hui, on a repoussé Daesh. Kobané, ça a commencé à Kobané, dans tout le Rojava. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de combattants, c'est-à-dire les YPG, les femmes, surtout les femmes, les YPJ, c'est grâce à eux. Ça, c'est avec les milices. Ça, c'est les milices femmes. Aujourd'hui, au Rojava, c'est eux en première ligne contre Daesh. Et aujourd'hui, on se retrouve tout seul à Afrin. Pourquoi ? Parce que Erdogan veut tuer le peuple kurde, veut exterminer le peuple kurde avec beaucoup de moyens. Aujourd'hui, ils utilisent Daesh parce que nous, ça fait des années. En Turquie, ils n'arrivent pas à nous éliminer. Ouais. Ils ne peuvent pas éliminer le peuple kurde. On est 40 millions dans tout le monde entier. Et là-bas, ils ne peuvent surtout rien faire parce que là-bas, on se combat avec les femmes, les vieilles, les vieux, tout. On protège tout le monde. Donc aujourd'hui, tout le monde le voit. Le peuple kurde, il ne pourra pas être fini. La guerre, ce n'est pas que pour les Kurdes. La guerre, c'est pour les Français, pour les Allemands. On fait la guerre pour tout le monde. D'accord. Mais il faut que tout le monde ait donné un coup de main à nous. Il faut que la coalition elle nous donne un coup de main. La coalition ait donné un coup de main à nous. Ouais. Il faut arrêter la guerre de Turquie. et pour les Kurdes. Malheureusement, personne n'est parle. Tout le monde émet son doigt dans ses oreilles. On ne veut pas comme ça. S'il vous plaît, donnez-nous un coup de main. D'accord. Donc voilà, donc il faut trouver une solution pour stopper tous ces massacres. Parce qu'aujourd'hui, Erdogan, c'est lui qui arme, qui fait rentrer les armes par la Turquie. Tout ça, le monde entier le sait. Daesh aujourd'hui en Syrie est rentré par la porte, c'est-à-dire la Turquie. Donc Erdogan est complice automatiquement. Aujourd'hui, on sait, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, vous savez où il va, qui il est. Donc il sait très bien, il ferme les yeux. Et donc voilà, quoi, aujourd'hui, il faut stopper tout ça. Ouais. Nous, on a repoussé Daesh avec de toute notre force. On les a tous repoussés. Ils sont presque tous finis. Et aujourd'hui, ce n'est pas un combat que pour les Kurdes, mais pour le monde entier, pour la France. Et aujourd'hui, les Kurdes, il n'y a personne qui en parle, aucun média. Donc ça, c'est pas normal. Moi, j'avais une question aussi. C'est en fait, la Turquie, ils ont eu une position quand il y avait la bataille de Kobané, notamment. Bien sûr. Où ils ont laissé faire au minimum, voire ils ont ouvert la frontière. Ils ont ouvert les frontières. La Daesh aille se soigner. Ils ont laissé faire, ça a été. Ils ont même fait aussi du commerce. Bien sûr, avec le pétrole. Vous avez vu les camions. Et en fait, je voulais te demander. C'est qu'aujourd'hui, il y a des accords entre l'Europe et la Turquie Regardez. Par rapport à l'accueil des réfugiés, tu vois. Donc, ils demandent à la Turquie de sous-traiter, de bloquer les réfugiés pour pas qu'ils aillent en Europe. Exactement. Et du coup, je voulais te demander si c'était une des raisons pourquoi aujourd'hui la France, elle laisse faire pour le moment, tu vois. La France, l'intervention elle ferme les yeux. Turque qui se passe depuis le 20 janvier contre Afrin. Pourquoi la France, elle laisse faire? Déjà, la France, M. Macron, déjà, il n'aurait pas dû accueillir Erdogan. Oui, il l'a accueilli la semaine dernière. Il l'a accueilli, c'est pour économique. C'est une question d'économie. Erdogan lui a acheté des armes, il lui a acheté des avions. Donc, c'est plus économique. Tout le monde regarde aujourd'hui les bénéfices d'un pays. Il ne regarde pas tout ce qui se passe. Et il ferme les yeux et laisse faire. Donc, voilà. On appelle le peuple français. S'il vous plaît, nous, on est Charlie Hebdo. Il faut donner un coup de main. Il faut tout le monde réveiller. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de l'économie. Il faut, gouvernement français, il faut arrêter l'économie avec la Turquie. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Vous êtes originaire, enfin la famille ou quoi, plus de Turquie, de Syrie. Nous, on est des Kurdes de Turquie. Voilà. Et justement, je voulais te poser une question là-dessus. Est-ce que tu peux parler de la situation pour les libertés individuelles en Turquie? Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé un coup d'État. Eu un putsch. Ouais. Tu peux parler de ça? T'as envie? Alors pour moi aujourd'hui. La situation aujourd'hui en Turquie, c'est qu'Erdogan il veut avoir tout entre ses mains. Donc le putsch pour nous. Il a été fait par lui-même, c'est-à-dire pour tenir l'armée. Rappelez un peu ce qui s'est passé. Il y a eu un groupe dans l'armée qui a décidé de faire un putsch. Et apparemment, ça n'a pas réussi parce qu'il a été averti très tôt. Et eux, même les propres militaires turcs, ils n'étaient pas au courant du putsch. Et tous les gens, que ce soit dans la politique, dans l'armée, dans partout, qui est contre Erdogan les emprisonne. Et les accusent en tant que fêtaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez dû entendre parler de fêtaux. Donc, il n'y a personne qui a. Il y a les gens, ils ont peur de sortir dehors, de protester en Turquie. Parce que si quelqu'un proteste et contre Erdogan, automatiquement, pour lui, c'est un terroriste. Et les Kurdes, que ce soit un terroriste et fêtaux, c'est pareil. Il les enferme. C'est-à-dire qu'il y a eu cette tentative de coup d'État militaire par une partie de l'armée. Ils ont fait une tentative. Et Erdogan, il a pris ça comme prétexte pour restreindre toutes les libertés. Voilà, c'est ça. Et pour emprisonner. Il y a beaucoup de gens qui ont été emprisonnés suite à ça. Je sais pas, c'est. Il y a beaucoup de gens. Il y a des millions de gens. Ouais. Et c'est même pas beaucoup. Il y a eu des millions de gens. Il y en a beaucoup, ils ont été morts et ils en ont tué beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Personne aussi qui est emprisonné. Ouais. Mais il y a eu plus de meurtres que de prisons. Donc ils ont tué pas mal de gens. Et ça continue toujours, aujourd'hui. Donc c'est là qu'il faut se réveiller. Donc il ne faut pas laisser faire. Aujourd'hui c'est Afrin, demain ça va être Paris. Et demain, après Paris, ça va être Londres. Et après, ça va être en Amérique, ça va être dans le monde entier. Ça, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. Il n'a pas d'origine, il n'a rien. Donc ça frappe partout. Et suite à ça aussi, y a des gens qui essaient de quitter la Turquie pour se réfugier soit en Grèce ou en France parce que la famille, elle est persécutée pour des opinions politiques ou quoi, parce qu'ils ont été opposés à Erdogan. Et est-ce que vous connaissez des gens dans ces situations-là? Et du coup, comment ça se passe pour eux quand ils veulent venir ici? Bah, il y en a beaucoup, on en connaît beaucoup, il y en a même des millions tous les jours. Les réfugiés, on les voit arriver, que ce soit des Syriens, que ce soit des Kurdes de Turquie, que ce soit des Kurdes directs, de partout ils viennent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là-bas, ils vivent dans les villages, et leurs villages, ils sont brûlés, les femmes sont violées, les hommes sont torturés, donc les gens, ils décident plus vivre de là-bas, donc ils quittent la Turquie. Via la Grèce, via comme on voit les réfugiés, les routes qu'ils prennent, les dangers, et ils viennent aujourd'hui se réfugier ici parce qu'ils pensent que la France est un pays laïque et libre. Donc aujourd'hui ils sont d'accueil soi-disant quoi. Oui, mais ils sont pas accueillis quoi. Voilà, c'est un nombre à respecter. En vérité, comment ça se passe pour eux quoi? Bah, c'est dur parce qu'ils viennent ici et heureusement, bah, pour les Kurdes ça va parce qu'ils ont de la famille. Ils sont soutenus par la famille, par le peuple, parce que les Kurdes sont un peuple très solidaire. Donc ils font au mieux quoi. Donc voilà. D'accord. Vous voulez rajouter un dernier mot sur ce que vous voulez dire en plus? Moi ce que je veux dire au peuple, que ce soit kurde, au peuple, au monde entier, aux gens qui y croient, à l'humanité, qui y croient en tout, c'est faut se réveiller, il faut être solidaire. Aujourd'hui c'est nous, demain ça va être vous. Et on en a vu l'exemple, que ce soit dans le monde entier. Il y a eu des bombardements partout, en France, il y en a eu à Londres, il y en a eu en Amérique, il y en a eu partout. Pourquoi aujourd'hui il n'y a personne dans les rues avec nous? C'est ça le problème. Donc il faut être solidaire jusqu'au bout. Et il ne faut pas se laisser faire. Comme le peuple kurde ne se laisse pas faire, vous voyez, on est là avec les enfants et les femmes. Et on va être toujours là demain. Et quitte à mourir dans la dignité, ben on mourra dans la dignité. Mais qui sache qu'on est là, quoi. On va pas jamais finir. Et à Afrin, le peuple, il résiste aussi. Le peuple, il résiste. C'est des combattants, les peuples de là-bas. C'est des vrais guerriers. Ils se laissent pas faire. Nous, on est nés avec ça dans le sang. La dignité, la fierté. Voilà. Ben, merci beaucoup. De rien. Merci. Bon courage à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Dilkara, j'ai 26 ans, j'habite à Paris. Donc voilà, je suis étudiante, donc je suis kurde. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, si alors, vous pouvez parler un peu pour ça? Aujourd'hui, on est là, on s'est rassemblés pour montrer notre soutien à Afrin, à notre peuple. Et également contre le fascisme et contre Erdogan, forcément, qui justement bombarde Afrin, tue des innocents, des enfants, des femmes, des hommes. Et donc pour montrer notre soutien tout d'abord, et également en étant kurde, on se doit d'être là pour les Kurdes qui sont en Turquie. D'accord. Et je voulais vous poser la question, pourquoi vous avez dit contre le fascisme et Erdogan? Si vous voulez expliquer un peu ce que c'est le régime turc de Erdogan aujourd'hui quoi. Alors le régime turc actuellement d'Erdogan, c'est d'abattre les Kurdes, il est contre l'indépendance que nous demandons nous les Kurdes. Et forcément il est avec Daesh qui combat les Kurdes également. Donc voilà, après c'est vrai que lui, Erdogan, il est contre les Kurdes, ça fait des années et des années. On est en guerre et on veut la paix forcément, mais lui est contre. Et il est également avec Daesh, comme j'ai dit, et nous les Kurdes en tant que Kurdes, enfin, je veux dire surtout les YPK et YPJ combattent Daesh et forcément combattent le régiment de Erdogan. Vous pouvez parler plus de la situation en Turquie ou qu'est-ce que c'est actuellement? Il y a eu beaucoup d'emprisonnement d'opposants politiques. Après c'est vrai que qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Turquie, avec tous les politiciens qui sont emprisonnés en Turquie, les Kurdes, comme Selahattin Demirtas par exemple, c'est vrai que Erdogan, en tant que président de la Turquie, veut mettre en place certaines choses, comme ne pas donner la libération des Kurdes, l'indépendance des Kurdes, et également de faire en sorte que les Kurdes oublient leur langue, leur tradition, pour vraiment devenir turcs. Alors, sur ce point-là, c'est hors de question, quoi. Certes, nous, on veut la paix, mais eux, ils font tout en sorte que... Enfin, ils font tout pour que ce soit tout le contraire. Alors que nous, on est pour la paix. Moi, personnellement, en vivant ici, j'ai grandi ici, je suis née ici, j'ai grandi ici. C'est vrai que j'aimerais que le pays où je suis, où je vis, soutienne la cause kurde. Forcément, c'est totalement logique. Mais c'est vrai que quand on voit que Erdogan vient à Paris, est reçu par Macron, on se dit qu'au final, la France est également complice de Erdogan. Et pourquoi ? Une personne qui reçoit le président turc et qu'il ne fait rien, qui fait beaucoup de massacres, ouais, ça, Erdogan. Forcément. Mais je veux dire qu'il n'invite pas... Rebonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue une nouvelle fois sur l'émission Au fond près du radiateur pour ceux qui nous écoutent depuis le début et pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à toutes et à tous sur FPP 106.3. On était en compagnie des Bobines Sociales, on est d'ailleurs toujours en compagnie des Bobines Sociales, on a parlé du festival de films qui se tient à la Bellevilloise et dans d'autres salles aussi également. On a eu un point d'analyse sur Georges et le procès lié à la fausse bombe pendant la COP21. On a ACTOP avec qui on va enchaîner dans pas longtemps. Là on vient d'écouter un son qui a été fait sur République pour la manif par rapport aux bombardements turcs qui sont actuellement au Rojava, connus notamment pour les fameuses IPJ, je le dis mal à chaque fois, YPJ, qui sont les femmes combattantes et résistantes kurdes, avec ce rêve de confédération à la clé de ce côté-là kurde. Certains y voient de l'espoir, d'autres non. D'autres ont fait des reproches par rapport au fait qu'ils étaient alliés au sein de l'OTAN et qu'il y avait de l'armement ou quoi que ce soit. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que les armes, on n'a pas le choix. Soit on les trouve chez un État, soit on les achète à des pourritures de marchands d'armes, quoi. Ou soit on arrive à les voler. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec la technologie actuelle. Du coup, les Kurdes du Rojava et d'autres essaient de résister. On se rêve de confédération qu'on espère qui ne sera pas utopique, mais qui se réalisera assez bientôt. Et tout de suite, je vous propose d'enchaîner avec Frad et Clovis pour ACT UP. On a aussi Rita, qui est à la fois représentante, présidente de Stras. Et Nicolas aussi, qui fait partie de Stras, non ? Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on fait une pause, excuse-moi Moustapha, une petite pause musicale, et après on revient dans 3 minutes. Avec ACT UP et Stras. Voilà, c'est ça. C'est à vous. Studio, je continue. Vas-y, frère. Il y a le feu dans le studio. Il y a le feu avec... La folie, les étoiles, y'a l'air qui se faufile sur Paname. On est en mai, c'est bientôt l'été, les ciels commencent à être moins pâles. On a des idées, des degrés, on croit qu'on va couper notre dalle. Et je vais rapiler mes regrets et voir plus loin que les pavés. J'ai jamais lu un pavé, mais j'en ai récité, je crois. Car la langue fait devenir limitée, n'écoutez que moi. T'as raison et les plus leurs, regarde tes actes avant les leurs. Je suis fautif de mes histoires, mais j'ai plus d'air, faut-il y croire. On est en mai 2017 et plus personne viendra se battre. L'homme voulait juste baiser des chattes. On était fort pour la pilule, mais la planète, tout le monde s'en bat là. Lune, maintenant préfère bouder bouillir de l'intérieur. Boulimiquer, polimiquer avec du beurre et mimiquer. Poliment, m'imiter, si je vends, me miter. Si mes dents, je les rends trop longtemps, même niquer, c'est fait niquer. Assis, t'es à mon siège, en fait je suis assis sur mon pied. Je rêve de la thune, de la paix, la cour d'entente, une pour mes 16. À bout d'inspire, j'inspire de l'air, tant pis, plus rien n'est limpide. Je m'habille, toi dans la merde, un sort à plus tapis dans la nuit. Pour faire défiler les chiennes qui tapinent à ma télé. Rapide, les images s'entremêlent, me rate pile à tété. Mais cet été, putain, je vais t'ôter ta tchinique. Te tâter jusqu'à te niquer, tarter ton clits. J'ai la rage, je parle mal, je prends de la coke comme Palma. T'es en cage, tu permets que je te parle de ton karma. J'ai la rage qui est palpable, je pète. Je t'aimais mais je préfère ça en gamin. Hey, faut que je me batte. Faut qu'on se batte tous, hein, FPP. Faut que je me batte. Faut que je me batte. Je n'en la queue dans la patte. Sans en battre, chill blacklist. Faut que je me batte. retrouver à tous sur l'émission Au fond près du radiateur, toujours avec Claire et Christian des Bobines Sociales, toujours avec Frad et Clovis d'Act Up, Rita et Nicolas de Strass, Mouloud, Anaïs, Robinson à la technique et Clem qui viennent de nous poser plusieurs sons et qui sont d'ailleurs pas mal sur des instrus que j'apprécie. Et là, on va enchaîner tout de suite avec Act Up. Si l'un d'entre vous deux peut nous présenter ce qu'est Act Up. Oui, bah, Act Up, c'est tout d'abord une association de lutte contre le sida. Donc qui est né il y a pas mal de temps maintenant, au pire de la pandémie. Donc à l'époque, il y avait la notion d'urgence, vu que les gens concrètement mouraient faute de traitement. Donc ACT UP, c'est une association de malades, ce n'est pas une association d'aide aux malades, il faut faire la différence. C'est une association qui a existé et qui existe toujours pour porter un certain nombre de luttes. Et on part du principe en fait que le sida est révélateur d'énormément de choses dans les sociétés. Et que du coup, il met à jour énormément de choses que les États souhaiteraient cacher. Comme quoi, par exemple ? Notamment le sujet des précarités, des populations précaires, sachant que le VIH fait son nid dans les précarités et se répand grâce aux précarités. On pourrait parler notamment des populations migrantes qui payent toujours un tribut extrêmement lourd à l'épidémie. On pourrait aussi parler des populations carcérales. Les prisons, c'est un lieu où l'épidémie continue à se répandre faute de politiques concrètes gouvernementales. Et avec le contexte des grèves de matons qu'il y a actuellement, je peux te dire qu'il y a pas mal de prisonniers en fait, qui ne reçoivent pas du tout leur traitement. Tout à fait. Déjà que de base, l'accès au traitement est extrêmement aléatoire et laissé plus ou moins au bon vouloir des directeurs d'établissement. De l'administration pénitentiaire. Depuis quelques semaines, au vu de la mobilisation des gardiens, on a eu de nombreux cas qui sont remontés de gens qui n'ont plus accès à leur traitement. Sachant que le VIH est une maladie qu'on ne sait pas vraiment soigner, mais comment, à laquelle on peut pallier, mais que ça, on ne peut pas le faire sans traitement. Donc c'est quand même extrêmement important. Donc notre actualité en ce moment, ça serait plutôt centré autour du sujet d'une part des trans incarcérés, et plus largement la question des prisons, et aussi les questions migratoires. Et toi, Rita, tu pourrais te présenter deux secondes et parler de cette actualité un petit peu, voilà. Ouais, alors bonjour, je m'appelle Rita, je suis syndiquée au STRAS, donc le syndicat des travailleurs sexuels. Et donc en ce qui concerne effectivement la question migratoire, j'en avais déjà parlé la dernière fois que j'étais venue, donc cette rafle au bois de Boulogne qui a eu lieu quelques jours avant Noël, où c'était donc une rafle, comment ils appellent ça ? Ah oui, contrôle des flux migratoires, ce qui en vérité signifie une rafle, on rigole pas. Où effectivement l'intention était clairement de vider le bois, et ils ont emmené sans raison des femmes trans, en garde à vue, et lorsqu'elles ont essayé de se débattre en disant qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de les emmener pour prostitution, parce que la prostitution n'est plus interdite, ils ont répondu « c'est pas une pute étrangère qui va nous apprendre la loi ». Effectivement, il y a eu de la part des membres de la police une énorme transphobie. Une fois arrivées en garde à vue, elles ont subi des conditions de garde à vue qui étaient évidemment absolument ignobles, déjà de par leur statut de travailleuse du sexe, mais en plus à cause de leur statut de femme migrante et encore plus de femme trans. Justement, j'en ai parlé aussi la dernière fois au sujet des parcours de sortie. L'une d'entre elles a manifesté son envie d'arrêter le travail sexuel et à aucun moment elle n'était informée de l'existence du parcours de sortie. Donc il existe effectivement de la part des membres de la police une énorme transphobie et une vraie haine contre les migrants, et encore plus lorsqu'il s'agit des travailleurs du sexe. Pour rebondir sur le sujet des trans, le 22 janvier, nous avions la journée mondiale de solidarité avec les trans incarcérés. Et donc cette année, c'est tombé en pleine concomitance avec ce qu'on peut appeler la crise carcérale peut-être. Donc, alors que la ministre est en pleine négociation avec les syndicats de gardiens, il a semblé opportun de mettre l'accent sur cette lutte, sachant que d'après ce qui est sorti des accords qui ont été conclus entre la ministre et les syndicats de gardiens... A priori, surtout avec le syndicat UNSA, en fait. Voilà. Parce que la CGDFO, en fait, sont sur un discours légèrement différent de... Bien sûr. D'ailleurs, les gardiens qui n'ont légalement pas le droit de grève semblent poursuivre la lutte par d'autres modalités, notamment les arrêts maladie. Donc je pense que c'est une affaire dont on n'a pas arrêté d'entendre parler. Donc nous, notre angle d'attaque, ce sont les trans incarcérés. C'est un sujet vraiment délicat à de nombreux égards. On parlait d'accès aléatoire au traitement pour le VIH. C'est exactement la même chose qu'on observe pour les traitements hormonaux. Et aussi pour les opérations éventuelles que les trans désiraient subir. Donc en fait, la situation actuellement dans les prisons françaises, c'est qu'on laisse à la subjectivité et au beau vouloir des agents de l'État qui ne sont absolument pas formés sur ça et absolument pas sensibilisés à la question, de donner ou pas des traitements aux trans. Parler des trans en prison, ça fait très longtemps qu'on en parle. On pourrait même évoquer Balzac dans Splendeur et misère d'une courtisane, qui évoque déjà le quartier des tentes, donc ce quartier dans la prison qui est réservé, là je cite, au troisième sexe. Donc ça fait très longtemps qu'on a une politique d'incarcération déjà, et puis au sein des structures carcérales d'isolement. Il faut savoir que les trans en prison en France aujourd'hui n'ont pas accès à la plupart des activités prévues pour les autres détenus. Bon, en fait, par exemple, à Fleury, ils sont cantonnés au D4, et en général au dernier étage de D4, et la cour où ils peuvent se promener, c'est celle de la cour du toit, en fait, du D4. Voilà. Donc tout ce qui, en fait, la plupart des activités proposées aux prisonniers, les trans n'y sont pas admises. Les populations trans en prison sont victimes d'innombrables violences, que ça vienne de leurs codétenus ou des gardiens. Enfin, de manière générale, les trans en prison française sont livrées à la prédation des employés de la prison et des détenus. Et c'est pour ça aussi que ACT UP Paris porte un plaidoyer sur les doubles peines, puisqu'en fait, incarcérer un trans, c'est l'incarcérer pour une raison judiciaire, puisqu'une peine d'emprisonnement a été prononcée. Mais au-delà de ça, c'est aussi la livrer à des conditions de vie qui ne sont pas acceptables. Et en fait, de même, la police du genre n'est pas vraiment acceptable dans un État qui se proclame démocratique. Il n'est pas normal que les choix des trans, le choix d'une transition, soient laissés au bon vouloir de l'administration carcérale, qui, encore une fois, n'a aucune, mais alors aucune compétence sur le sujet. Donc le plaidoyer que porte ACT UP, c'est faire émerger la question des trans en prison, alors qu'on parle énormément en ce moment de la question carcérale, et sachant de ce qui a pu fuiter dans la presse, de ce que nous avons pu voir vis-à-vis des négociations entre la garde des Sceaux, Nicole Belloubet et les différents syndicats, apparemment il n'y a que des choses pour les gardiens. Donc déjà nous souhaiterions rappeler que les gardiens ne sont pas les seuls à souffrir en prison. Dans un ce qui paraît temps, une évidence. On pourrait parler de la détresse des gardiens, pourquoi pas, c'est légitime comme sujet, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des sujets autrement plus urgents. Mais surtout qu'ils étaient majeurs et consentants quand ils ont signé le contrat, ils savaient à quoi s'attendre en fait. Oui, on pourrait aussi parler du fait qu'on n'était pas forcé à travailler pour l'État français et pour soutenir sa politique d'enfermement. Mais juste pour préciser, le syndicat en fait, avec qui il y a eu des accords plus ou moins signés, c'est l'UNSA, et qui est en mode on veut des tasers et tout ça. Il y a FO et CGT qui appellent à poursuivre le mouvement. La CGT avec beaucoup plus de nuances évidemment, plus de moyens, plus de places ou moins d'incarcération, en disant qu'il y a des incarcérations de masse en ce moment particulièrement. Et d'ailleurs mardi prochain, normalement, on invitera au moins une personne de l'Envolée et d'autres gens pour en parler et discuter de ce qui se passe. Quand tu parlais des traitements, je précise, c'est les traitements hormonaux, oui, les traitements hormonaux pour les trans, pour leur transition de genre. Et pas les traitements médicaux classiques qui sont actuellement en suspens à cause de la mobilisation, justement. Je pense que c'est bien aussi de rappeler que le fait qu'une partie des prisonniers, une grande partie des prisonniers, ont des troubles psychiques très importants. Et parce que non seulement, on ferme l'hôpital psychiatrique, et aussi il y a des réalités sociales humaines, et il y a l'hôpital psychiatrique et aussi la prison comme lieu d'enfermement. Et la prison est devenue un lieu aussi d'environnement pour plein de personnes qui ont des troubles psy très profonds, très importants. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Et évidemment, ACT UP Paris, comme plein d'autres associations humanitaires, etc., etc., ont toujours dénoncé l'enfermement. Car, en tout cas, pour ce qui est de tout l'ensemble des associations de lutte contre les sida, l'enfermement est contre-productif par rapport à la lutte contre l'épidémie. Et c'est une réalité, je veux dire. Comment avoir à bouffer chaud alors que vous êtes séropositif, c'est impossible en prison, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité aussi de ce que c'est que l'enfermement. On avait fait une émission il y a à peu près 14 mois, 16 mois, je ne sais pas si vous avez, moins que ça même, 8 mois ou 9. Il y avait eu un mouvement des services hospitaliers en prison, dont notamment au Beaumetz. On avait parlé avec pas mal de gens qui étaient en grève et qui nous parlaient des difficultés par rapport aux soins médicaux qu'il y avait à donner, qu'il y avait certains prisonniers en fait, qui avaient des traitements psychologique et du coup qui prenait ou des antidépresseurs ou des anti-oxolytiques, et c'était assez important pour à la fois leur santé et la santé des autres aussi également. Mais du coup là on va réantiller parce que le temps il passe, on a un petit peu trop parlé des prisons. Tu me parlais des migrants, oui. Tu parlais des trans aussi, migrants également, et des difficultés ou des disparités qu'il y aurait. Et vous, vous faites partie de la commission ACT UP, commission migration, c'est bien ça ? C'est bien ça, donc c'est la commission qui prolonge le travail de la commission étranger, qui était la commission historique qui s'occupait de ces questions. Donc la commission migration a été remontée et travaille sur les questions migratoires. Il faut savoir que les migrations, quand on parle de VIH et au-delà de ça d'autres maladies sexuellement transmissibles comme les hépatites, ces populations payent un tribut extrêmement lourd en fait. Et cette situation ne repose en fait que sur l'État. L'État français a créé toutes les conditions pour aboutir à la crise migratoire que nous connaissons actuellement. Il faut s'ancrer sur le temps long, il faut revenir 20 ans en arrière, il faut voir tous les textes européens et français qui ont battu de plus en plus en brèche sur le droit d'asile et qui ont orienté la politique d'asile seulement vers un biais d'enfermement. On parlait d'enfermement tout à l'heure. L'enfermement est aussi un des outils de l'État français, d'ailleurs le principal outil de l'État français pour gérer la question migratoire. Et c'est là, me semble-t-il, où le plaidoyer d'ACT UP Paris est pertinent. C'est notamment sur les questions de précarité. Donc, pour citer les observations du syndicat de la magistrature sur les mineurs migrants isolés qui est paru le 7 décembre, c'est la coordination étroite des services de l'État qui renforce la précarité des populations migrantes. Donc après, quand on parle des populations migrantes, on a plusieurs sujets. On a déjà le sujet très important des mineurs migrants isolés, donc la terminologie est fluctuante, on a MNA, MIE, c'est un autre débat. On parle aussi du droit à asile LGBT, qui est régi par des textes européens franchement pas clairs, et qui mène à des entretiens très contestables et franchement condamnables, que ce soit du côté de l'OFI ou l'OFPRA. Puis plus largement, en fait, il faut juste parler de la question migrante, c'est-à-dire que la seule réponse actuelle de l'État français vis-à-vis de la poussée migratoire, c'est d'enfermer et d'expulser. Et il faut rappeler qu'il y a à peu près 200 000 personnes migrantes qui pénètrent sur les territoires français. C'est pas nouveau, ça fait très longtemps, ça fait des années, ça fait un demi-siècle qu'on a des immigrations de grande ampleur sur le territoire français. Et les gouvernements successifs, bref, l'État français n'a jamais considéré qu'il était opportun de créer une politique spécifique de santé pour les populations migrantes. C'est-à-dire qu'elles sont toujours englobées dans les innombrables plans précarité que les gouvernements successifs ressortent. Et c'est là que ça coince. J'ai envie de dire, parce que jusqu'ici, ces politiques ont été totalement incapables de ne serait-ce que endiguer l'épidémie, sans parler de l'éradiquer. Donc là aussi, c'est... Parce que c'est l'idée qu'en fin de compte, en France, c'est là où on va devenir séropositif aussi. Voilà, Clovis pourra... C'est-à-dire qu'on pense toujours que les gens viennent ici pour se soigner, mais la réalité de tous les chiffres aujourd'hui, et ce sont des chiffres officiels, c'est qu'on s'aperçoit que les gens, en fin de compte, ont des prises de risque via le fait qu'ils sont précaires, via le fait qu'ils sont invisibles, via le fait qu'ils vivent sans papier, c'est-à-dire sans droit. Donc, il y a une réalité qui va... c'est pour ça que ACT UP ou plein d'autres ont dit qu'il faut régulariser les gens, etc. Parce que pour lutter contre l'épidémie, il faut une visibilité. Et quand vous êtes dans un contexte où vous êtes invisible, où vous avez peur d'aller à l'hôpital, eh bien, se développent plein de choses. Et notamment, on s'est aperçu, au terme de chiffres, qu'effectivement, l'épidémie, au niveau des gens des pays d'ex-colonies, ne viennent pas parce qu'ils viennent ici pour se soigner, mais ils viennent de la réalité et du contexte français de l'invisibilité. On peut reprendre le chiffre de l'étude Parcours, donc, qui s'intéresse à trois groupes de population, un qui est contaminé par le VIH, le second par les hépatites, et le troisième qui n'a ni l'un ni l'autre. Et du coup, d'après les chiffres extraits de cette enquête, après avoir posé la question à ces gens, il n'y en a que 2 à 3% qui sont venus sur le territoire français pour se faire soigner. Il me semble que la moitié des contaminations chez les migrants se sont opérées sur le territoire de la France métropolitaine. Donc on peut parler de responsabilité de l'État français. C'est-à-dire que d'un côté, on a un État qui prétend depuis maintenant plusieurs décennies lutter contre l'épidémie et qui laisse des champs entiers totalement aveugles. Donc on va encore reparler des trans-incarcérés, on va encore reparler des migrants, mais c'est tant qu'il n'y aura pas de politique publique spécifique pour à destination de ces populations, ça va pas changer. Donc moi je veux bien Paris sans sida, je veux bien 2030 éradication du sida, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est clairement pas comme ça. Et ça, comment ça pourrait le faire en fait? Ça se traduirait comment physiquement? Une prise en charge médicale. Déjà faciliter l'accès aux hôpitaux aux populations migrantes. C'est il y a un nombre innombrable de passes médicaux, il y a beaucoup d'institutions, d'agences de l'État de santé qui sont censées s'occuper de ça, mais apparemment il y en a beaucoup trop. Et cet entassement se reflète au niveau des régions aussi, au niveau des départements. Donc déjà qu'un citoyen français n'arrive pas forcément à avoir accès aux soins dans ce pays, vous pouvez peut-être imaginer à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un qui ne parle pas français, qui est arrivé récemment et qui se trouve dans une situation de grande détresse et qui a besoin de l'accès aux soins. Il n'a pas le droit ni à l'AME, ni à la CMU, ni à quoi que ce soit. Il y a des dispositifs, mais ils sont extrêmement partiels, ils ne recouvrent absolument pas tout. C'est-à-dire que la personne migrante qui pénètre dans le dispositif de soins français grâce à ces passerelles, en fait, n'a pas du tout accès aux mêmes soins et mêmes possibilités que le citoyen national. Même qualité de soins qu'un autre. C'est si leur demande elle a été reçue, en fait. Exactement. Et du coup, à ACT-UP, on parle d'un constat simple sur la question. Peut-être que certaines personnes trouveront... Nous ne trouvons pas ça juste, mais en fait, le sida, il ne fait pas la différence entre le citoyen national et le migrant. Enfin, Et pareil, il ne fait pas la différence entre le migrant qui veut s'installer en France et le migrant qui est en transition et qui va... Exactement, parce qu'il y a des gens qui ne sont que de passage, qui espèrent arriver en Grande-Bretagne, qui espèrent partir peut-être en Allemagne dans le cadre de regroupement familial. On est face, en fait, à des situations extrêmement diverses qui sont gérées, comme de coutume, par l'État français vers une approche qui se veut englobante. Et qui laisse totalement à côté la plupart des populations qui ont le plus besoin de cette dite politique. C'est là le paradoxe d'ailleurs de la santé pour la question migrante. Rita ou Nicolas, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire? Du tout? Moi, je trouve que tu avais des choses à dire. Non, c'est très bien ce qu'a dit François. Je trouve qu'il y a au moins une chose qu'il faut savoir, c'est que il existe depuis 97, je crois que c'est via le truc de chevènement, la régularisation pour soins, c'est-à-dire un titre de séjour d'un an. Ce titre de séjour est en train d'être mis en question dans les faits pour multiples manières, notamment le fait qu'aujourd'hui, pour avoir ce titre, donc c'est-à-dire la non-expulsabilité. C'est-à-dire que pour dire les choses de manière simple et claire pour les personnes, c'est que jusqu'en 1997, il était possible d'expulser quelqu'un qui était séropositif dans un pays X ou Y qui n'avait aucun soin. Et c'est pour ceci qu'ACT-UP et d'autres, l'ensemble de la communauté de lutte contre le sida disait une expulsion égale à une condamnation à mort puisque les personnes n'avaient aucun traitement. Il y a eu toute une bataille qui a permis, en fin de compte, cette non-expulsabilité. Aujourd'hui, sur le terrain, la réalité, c'est que, c'est très difficile aujourd'hui. Les préfectures, il faut plus d'un an, un an et demi aujourd'hui, pour avoir le titre de non-expulsabilité. Donc ça, c'est une notion de temps. Il faut s'inscrire dans un parcours de soins, mais aussi un parcours associatif. Parce qu'évidemment, pour prouver ceci, etc., il faut être soutenu par les associations. Donc les associations officielles comme Aurore, SOS, Habitat, Soins, etc., s'occupent de ça. Mais sinon, vous n'avez pas comme ça ce titre de séjour. Alors quand vous avez ce titre de séjour, ça vous donne droit, entre guillemets. Donc ça veut dire que pendant un an ou un an et demi, vous n'êtes pas expulsable, vous avez fait votre dossier, mais vous n'êtes pas expulsable. Sauf que vous n'avez aucune ressource. Vous n'avez pas le droit à l'AAH, vous n'avez pas le droit à la CMU, etc. Vous avez juste le droit de l'AME. Donc vous êtes condamné à être soutenu soit par votre famille qui vous a dégagé, entre parenthèses, et soutenu par l'association Aurore X ou Y. Et c'est ça, moi, personnellement, je travaille dans les ACT, et c'est le cas. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, et c'est aussi l'aspect qu'on ne dit pas suffisamment, le VIH est toujours un révélateur parce qu'elle vous renvoie à votre intimité comment as-tu été devenue séropositive ? Donc, c'est la femme malsaine, la prostituée, la sexualité malsaine, c'est la toxicomanie, etc. Et ça joue toujours dans la réalité de ce processus. Il y a encore en France, en 2018, les bons séropositifs et les mauvais séropositifs. Et il y a, je pense à l'association Icambéré, où effectivement, du jour au lendemain, des femmes venues de migration pour aller travailler, elles découvrent leur VIH, et du jour au lendemain, leur famille, ou en tout cas les liens parentaux qu'ils ont, elles ne cachent pas trop leur traitement, eh bien, se retrouvent expulsées à la rue. Voilà. Et donc, les ACT et d'autres dispositifs sont là pour permettre que les gens ne crèvent pas à la rue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut quand même rappeler aussi le contexte, Macron, etc., etc., etc. On est en train de fermer tout. On est en train de réduire tout. Et évidemment, l'épidémie, face à une comptabilisation morbide de ça, va à l'encontre de l'accès aux soins, va à l'encontre de toutes ces problématiques. Donc je trouve que c'est important de dire, oui, aujourd'hui, entre guillemets, soi-disant, on n'expulse pas des personnes séropositives, sauf qu'aujourd'hui, on le fait, et sauf qu'il faut un an et demi pour avoir ce putain de titre de séjour, et quand vous avez votre titre de séjour, entre parenthèses, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc on est vraiment toujours dans cette forme de précarité. Oui, bah pour revenir déjà sur les expulsions, donc les associations avaient obtenu que la loi change et que l'État français ne puisse plus expulser des malades. Aujourd'hui, il y avait une expulsion prévue qui a été décalée jeudi ou vendredi. Mais ce à quoi on assiste, en tout cas, c'est à une révision de la plupart des acquis au niveau des droits que la lutte, notamment la lutte contre le sida, avait permis d'obtenir. C'est-à-dire que nous sommes face à un gouvernement qui teste consciemment les limites légales et essaye de plus en plus d'expulser des malades pour diverses raisons. Sachant que l'État prétend expulser ces malades vers des pays sûrs. Je vous rappelle que la France estime que la Libye est un pays sûr, que le Mali, qui connaît de grandes difficultés dans le Nord, mais aussi à Bamako, est un pays sûr. C'est une mauvaise foi abjecte. On envoie ces gens vers la mort. C'est-à-dire que le malade expulsé est un malade assassiné. Donc encore une fois, on peut mesurer la sincérité des propos du président de la République lorsqu'il parle d'accueillir les populations migrantes. Sauf que la seule chose que l'on voit sur le terrain, c'est la répression. Et la seule branche fonctionnelle et opérante de l'État français à l'heure actuelle, c'est la branche policière. C'est ni la justice, ni la santé, ni d'autres choses. C'est la seule chose qui nous semble fonctionner, et c'est bien dommage, c'est la police française et la gendarmerie nationale. Et Rita, tu voulais dire un petit point ? Ah oui, alors c'était pour traiter de l'actualité parisienne. Comme j'aime bien fouiller les poubelles médiatiques, il y a deux jours, je suis tombée sur un article du Parisien qui venait d'être paru, qui traitait donc de stages de rééducation de clients, où sont donc des clients qui ont été pris en flagrant délit donc de prostitution avec un travailleur ou une travailleuse du sexe. Je sais, il ne faut pas rigoler. Pardon. C'est un article du Parisien. Hein. C'est ça, un article du Parisien, donc les poubelles médiatiques, toujours. Et en fait, donc... Et en fait, donc on explique aux clients, il y a une nana qui est venue, une ancienne travailleuse du sexe, qui explique qu'elle travaillait en étant mineure, sous l'objet de la drogue, qu'elle avait été balancée de foyer en foyer, et qui livre et qui explique, qui affirme que personne ne se prostitue par choix, que c'est toujours un viol. Donc, ce qui est quand même marrant, c'est que le Parisien est prêt à considérer que tous les clients sont des violeurs, ce qui est déjà une connerie incroyable, parce que pas tous les clients sont des violeurs. Moi, quand je vais voir des clients, j'ai pas l'impression de me faire violer, c'est un consentement. Mais en plus, le Parisien est toujours déter pour parler donc des violeurs, des putes, lorsqu'il s'agit de clients. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de s'en prendre aux réels violeurs, là, il n'y a plus personne, puisque la police précarise les travailleurs du sexe et se contrefoutent des viols. Et lorsqu'en travailleurs du sexe, on va voir les flics en disant « oui, en fait, je me suis fait violer », ils disent « oui, mais en même temps, vous êtes travailleuse... » Enfin, ils disent pas travailleuse du sexe, ils disent « vous êtes pute ». En même temps, ça fait un peu partie des risques du métier. Donc on s'indigne de prétendus violeurs dans la personne de client seulement lorsque ça arrange. Et elle explique aussi, parmi d'autres conneries énormes, que s'il n'y a plus de clients, eh bien, il n'y a plus de travail sexuel et donc le problème de la prostitution sera réglé. C'est faux. Il y aura toujours du travail sexuel, il y aura toujours des clients. Mais le problème, c'est que ce genre de discours entraîne du coup une propagande qui fait qu'il y a moins de clients et que les clients, effectivement, peuvent exiger parfois. Et lorsque, effectivement, on doit payer son loyer, lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on est dans l'obligation de travailler, et parfois, on est obligé, effectivement, d'accepter un client sans capote. Ce qui, du coup, peut amener à une contamination du VIH. Je ne connaissais pas le coup du stage de rééducation. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme pour conduire. Mais le pire, en fait, c'est ça, c'est en complément de peine. Ou si je dois prendre ça dans un cas un petit peu plus flippant, de type, en fait, on est prêt à faire des stages de rééducation pour ceci. Ah, c'est flippant. Du coup, peut-être demain, je ne pense pas de la même façon qu'il faut. Et du coup, peut-être qu'on pourra faire un stage de rééducation citoyen, comme Georges, voilà, peut-être. C'est ça. J'en ai aucune idée. Mais tant qu'à celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Tant qu'à faire un stage de rééducation, pourquoi est-ce que si on veut parler de personnes qui exploitent, on ne fait pas un stage de rééducation des patrons qui exploitent leurs employés? Exactement. Les patrons de Macron. Absolument. Les patrons voilà. De Macron. Il faut des stages de rééducation pour le patronat. Des stages de citoyen. Qui travaillent la chaîne. Qui savent ce que ça veut dire être travailleur, salarié. L'État français sur la prostitution, il a toujours été ambigu depuis la fermeture des bordels entre l'oxy, la pénalisation des clients ou la pénalisation des prostitutions, avec tous les discours démagogiques qu'il y a dans la plupart des partis politiques autour de tout ça. Eh bien, on s'arrête là. Ouais, et puis on vous remercie tous. Ouais, avant de vous lâcher tous, on va juste demander à Claire ou à Christian de nous relâcher les dates et des films. Ah, tout le monde a un mot. Alors, un mot, c'est une phrase. On va laisser aussi à Act Up nous balancer un agenda et à. Voilà. Strass et puis après également. On finit avec Kilem. Voilà. Et puis on vous remercie tous. Voilà. Et je vous rappelle aussi que mardi prochain on a l'envelo et peut-être qu'on dira un petit mot sur la ZAD et sur ce qui s'est passé récemment. Vous êtes tous sur l'émission Près du Radiateur 106.3 tous les mardis de 19h à 20h30. Et je vous dis à bientôt. À bientôt et on vous embrasse bien fort. Alors pour le Festival des Bobines Sociales, c'est du 4 au 11 février. Ça commence au lieu dit à 17h le dimanche 4. Et après, le 10 et le 11, c'est à la Bellevilloise. Voilà. Et si vous voulez avoir des informations, allez sur le site Bobines Sociales, www.bobinesociales.org. Oui, on a parlé de l'association Icambéré tout à l'heure, donc là, elle est en train de lancer une campagne de dons pour aider ses usagères à bénéficier de meilleures conditions d'hébergement. Donc Icambéré, I-K-A-M-B-E-R-E, elles sont basées à Saint-Denis et voilà, elles font appel à votre générosité. Rita, t'as quelque chose à annoncer par rapport à l'agenda du Stras ou pas? Non, si ce n'est qu'on est toujours en attente de rendez-vous avec Hidalgo, avec les différentes communes qui concernent les arrêtés municipaux. Frad? Alors nous appelons à manifester en compagnie du BAM le 21 février contre la loi Asile-Immigration et la circulaire Colomb, car racisme égale mort. On est désolé de finir aussi vite, mais n'oubliez pas qu'il y a l'émission Dooboot qui enchaîne tout de suite, en fait, d'ici 2-3 minutes. Du coup, on libère les locaux, la place et on fait le ménage. À bientôt. J'ai mon prix dans mon cafard, la glace pilée dans la carafe. Pion c'est tarpon, c'est du phare et quoi, piller toute la caf. Pense à ma pensée, mon pansement, je bouffe car ma meuf s'est barrée en vacances. À la base, je devais me barrer avec elle, mais à la barre et mon quoi. Me barrer toutes les routes, le bras sur le genou, je suis barricadé au mois d'août, deviens barjo dans ma soute. J'aurais dû sauter le pas avant que tu me foutes un doigt. Enchaîné à la chine sous mon toit, j'ai frite. Une tête grasse qu'ensuite on trace mes doigts dans la méchisse. J'arrête de faire la fête, vais juste pirate dans ma tête. Me barrer pour la guerre, c'est que j'ai pas peur de l'armée. Je connais pas cœur la galette, tellement que ça m'écœure la galette. J'aimerais tes hanches, suis mon air, me remettre en selle et au galop, refaire du zèle et des galoches. Sous ma tête, c'est moche le ciel et bleu miel, plat, faut que tu tâches. Abonne, abonne, abonne-moi du bon son. Ou fait inératisme, m'enferme ma prison. Ramène ma naine à tes petits doigts. Tu veux que ta cloque te tombe dans la baignoire. Abonne, abonne, abonne-moi du bon son. Ou fait inératisme, m'enferme ma prison. Ramène ma naine à Gangja que je sème. La graine dans le placard de cet appart de merde. Moins bifton, j'ai choura, c'était pour ton chignon tout ça. Pour toi j'aurais fait plus grave jusqu'à braver la mafia. Toi t'es parti avec un con qui aura des qualités que j'ai pas. N'aura lui une bonne haleine qui serait gentil comme moi. La première semaine c'est vrai j'sens le whisky. Pas que le week-end, c'était ma vie, tu l'as aimé. Jusqu'à ce que tu trouves que c'est de la merde, connasse. Tu lâches ton ombre dans une crevasse. Et moi dans ce coucherait. Caché de ce monde qui m'attache de ces ondes. J'vais m'arracher, me patcher avec mon son. En bas j'entends mes potes qui grondent, j'les reçois. Ça pète tes blondes, ça parle de bruit, toujours la même. Jusqu'à que ça bulle avec lui, j'fais pareil que tout seul. Je veux vivre avec vos gueules, même si j'ai pas le droit. Il m'a dit ce peu très bon, faut pas bouffer du bœuf sale. Aujourd'hui je m'en bats, je suis masqué un combat. parabole, parabole, parabole de mon son. Vertiné la tise, monte ma prison. Ramène, ramène la tête. Je la plaque. Parabole, parabole, parabole de mon son. Vertiné la tise, monte ma prison.